L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Nous en avons déjà longuement parlé ici. L'origine des trous noirs supermassifs est une énigme. Deux théories s'affrontent. Soit ces trous noirs de plusieurs millions ou milliards de masses solaires sont nés à partir de trous noirs stellaires de quelques centaines de masses solaires qui ont ensuite grossi extrêmement vite par accrétion de matière et par fusion successive avec d'autres trous noirs, ou soit ces premiers trous noirs supermassifs sont nés déjà très gros, de 10 000 à 100 000 masses solaires, par effondrement gravitationnel de nuages de gaz, et ont continué à grossir à une vitesse normale. On se souvient qu'au début 2015 avait été découvert un trou noir supermassif quasi inexplicable, car ayant une masse de 17 milliards de masses solaires et situé dans l'univers âgé de moins de 1 milliard d'années. Le taux de croissance de masse d'un trou noir étant limité, ce qu'on appelle la limite d'Eddington, il est difficile d'expliquer l'obtention d'un trou noir si massif en si peu de temps à partir d'un trou noir initial stellaire de 10 à 100 masses solaires au maximum. Aujourd'hui, une équipe d'astrophysiciens italiens vient de mettre en évidence ce qui pourrait bien ressembler aux deux premiers spécimens de graines de trous noirs supermassifs dans l'univers très jeune et qui tendent à valider la seconde hypothèse théorique pour la formation des trous noirs supermassifs. Les chercheurs italiens ont exploité pour cela des données de trois télescopes spatiaux, Chandra X-ray Observatory, Hubble et Spitzer. Les premières graines de trous noirs supermassifs sont vues dans l'univers âgées de moins de 500 millions d'années, l'époque où apparaissent les premières étoiles formant les galaxies naissantes. En combinant simulations numériques et données observationnelles, les astrophysiciens menés par Fabio Pacucci de l'École Normale Supérieure de Pise, et qui publient leur étude dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, parviennent à prédire quel est le spectre que devraient montrer de tels objets dans l'infrarouge, l'émission émanant du halo entourant le trou noir. Puis ils sélectionnent dans un catalogue d'objets émettant en rayon X, typique des trous noirs, les objets qui possèdent également ce spectre infrarouge caractéristique. Un tel spectre infrarouge, s'il était dû uniquement à une composante stellaire, nécessiterait un taux de formation d'étoiles irréaliste, de l'ordre de 2000 étoiles par an. Les deux candidats trouvés parmi les dizaines de milliers de sources du relevé Candles sont nommés par des numéros 29323 et 33160. Les chercheurs estiment que ces deux graines de trous noirs se seraient formées par l'effondrement gravitationnel direct d'un nuage de gaz d'une masse de l'ordre de 100 000 masses solaires ou plus. Les astrophysiciens italiens sont conscients que leur mise en évidence est encore fragile et ressemble plus à une hypothèse forte. D'une part, les sources ayant les bonnes caractéristiques sont peu nombreuses dans les catalogues astrophysiques actuels, et d'autre part, seules des mesures spectrales à très haute résolution peuvent confirmer la vraie nature d'un trou noir par effondrement direct, par ses signatures, ses raies d'émission. Or, les sources potentielles sont trop faibles pour que les meilleurs télescopes d'aujourd'hui, Hubble, le VLT ou Keck, puissent fournir ces mesures spectroscopiques. Mais l'avenir est prometteur, car, comme le précisent les auteurs de cette étude, le télescope spatial James Webb, qui observera dès 2018 l'univers en infrarouge, ce que ne peuvent pas faire les télescopes terrestres, devrait révolutionner le domaine en ouvrant la porte à l'observation des toutes premières étoiles et des tout premiers trous noirs supermassifs ayant une masse inférieure aux millions de masses solaires, s'ils sont bien produits par effondrement direct, comme ces observations semblent l'indiquer, et pourraient donc rapidement les confirmer. L'article de Fabio Pacucci et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le Le numéro 459, en date du 21 juin 2016. Il a pour titre First Identification of Direct Collapse Black Hole Candidates in the Early Universe in Candles Goods S. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers des trous noirs supermassifs se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast, comme toujours, sur iTunes et sur podcloud.fr, bien sûr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !